Nous parlerons des prophètes et messagers de la fin du siècle. Et évidemment, dans cette conversation avec Bernard de Montréal, nous traitons de toutes les personnes qui annoncent à la télévision, dans les livres et partout, les bonnes et mauvaises nouvelles des temps futurs. Donc, nous recevons ce soir Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard. Ce soir. Ah, pardon. J'ai payé mes comptes aujourd'hui. Avez-vous besoin d'un prophète pour vous annoncer les effets de la TPS? Maintenant, ce soir, le sujet, c'est les prophètes et messagers de la fin du cycle. Les prophètes et les messagers de la fin du cycle. Oui. Quand est-ce que vous avez fait des conférences, ces affaires? Ces affaires? Ouais. On va amorcer ça dans ce sens-là. D'abord. D'après vous, les gens qui annoncent ou qui prévoient l'avenir en termes de développement autant économique, culturel ou mondial, d'après vous, dans quelle mesure les gens peuvent suivre ces valeurs ou ces idées et se donner un comportement de vie ou un style de vie en relation avec ces gourous qui annoncent certaines directions, autant politiques, économiques, psychiques dans certains cas. Dans quelle mesure les gens doivent ou peuvent conserver une certaine réalité ou voir une certaine réalité à travers les propos de ces gens-là qui écrivent ou qui vont énoncer certains types de prévisions dans l'avenir? Pour la masse, là. Pour celui qui écoute à la télévision. Mettre de l'importance dans les propos de ces gens-là, c'est une, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une perte d'énergie. Pour la simple raison que les événements importants de la Terre, les événements fondamentaux au niveau de l'évolution politique, économique, sont jamais connus d'avance. Quand il y a eu les grands bouleversements en Russie en 89, personne ne le savait. Mm-hmm. Même les gens à l'intérieur des circuits, disons, très réservés. Là. Non, parce que ces grandes décisions-là ou les grands événements de la planète sont régis par les lois de conséquence. Et ce sont les lois de conséquence qui déterminent l'amplitude des événements. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes. Et les lois de conséquence ne sont pas... Les lois de conséquence sont trop occultes dans ce sens que elles prennent en considération un plan trop vaste de l'évolution pour que l'homme puisse le saisir d'une façon intégrale. Mais ces mêmes lois de conséquence... C'est comme si on regarde le mouvement nazi en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était écrit, le mouvement nazi était écrit, Nostradamus en avait parlé, Steiner se promenait en Allemagne puis essayait de rendre des gens conscients de ce qui se passait là. Beaucoup d'occultistes en étaient conscients, mais l'amplitude humaine, la souffrance humaine, je parle pas de la souffrance qui est perçue didactiquement, là, quand on lit un livre où on parle de l'antéchrist, mais je parle de l'amplitude humaine, la souffrance humaine, la perte de vie, la perte du pouvoir économique des nations, ça n'a pas été mesuré. Ce qui s'est passé à Hiroshima, c'est la même chose. Donc, même si les gens avaient connaissance de ces événements-là à travers la voie prophétique, ça leur donne pas une mesure réelle de l'événement. Par contre, ce qui est bon dans la voie prophétique, puis j'en prends une là, qui est très connue mondialement, on va prendre Nostradamus par exemple, ce qui est bon aujourd'hui, pas nécessairement dans le passé, mais aujourd'hui, c'est qu'après les événements du 20e siècle, après les prophéties de Nostradamus qui se sont réalisées, à ce moment-là, les gens sont dans une mesure où ils peuvent mettre le doigt d'une façon plus approximative sur des personnages ou sur des événements qui peuvent avoir une grande répercussion sur l'évolution politique des nations. Par exemple, là, je donne un exemple purement gratuit parce que je ne veux aucunement pointer dans cette direction-là, mais prenons la crise du Golfe. La crise du Golfe, Saddam Hussein, le pétrole qui saute, les Américains qui veulent pas qu'un homme contrôle 40% du pétrole mondial, ainsi de suite. L'Europe qui dans un sens, est derrière les Américains, même le Japon, ainsi de suite, même la Russie, ainsi de suite. Après Nostradamus, après avoir pris conscience que par la voie prophétique, il y a des hommes qui ont vu, tels que lui. À ce moment-là, ben là, les gens scrutent un petit peu plus. Et je suis très conscient que des hommes dans des hautes sphères politiques, en Europe, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, ont pris conscience de Nostradamus. Nostradamus est connu dans le monde entier. Donc, le phénomène de l'antéchrist ou le phénomène du bonhomme qui vient, qui a un caractère militariste qui vient, qui devient l'antéchrist. Aujourd'hui, les gens sont plus en mesure d'y croire, d'y prêter attention, d'enlever des facettes à travers les événements de tous les jours, et ainsi de suite. Et dans ce sens-là, très probablement, et surtout en France, si la France s'est liée avec les Nations Unies et les Américains dans le mouvement de sanctions contre Saddam Hussein, c'est très, très probablement parce que les Français sont très au courant des prophéties de Nostradamus. Puis, dans ce sens-là, les prophéties peuvent aider des hommes politiques ou des gens qui sont dans des sphères d'influence à regarder très près le bonhomme puis faire une étude psychologique de ses actions pour voir si cet homme-là pourrait correspondre à ce messager nocturne-là de la fin des temps ou de la fin du cycle. Mais de là à vivre l'angoisse existentielle par rapport à la prophétie, pour moi, c'est une perte d'énergie parce que la vie continue. Ce sont des cycles, ce sont des hauts, ce sont des bas, et la vie continue. Le Japon a été, Hiroshima a été éliminé de la carte. Aujourd'hui, le Japon est devenu une puissance mondiale. L'Allemagne a été détruite, puis a été relevée par le Marshall Plan. Aujourd'hui, les Américains perdent leur puissance économique. Donc, ce sont des cycles. Donc, si on attache trop d'importance à ces prophéties-là, ce qui arrive, c'est qu'au niveau émotionnel, au niveau psychique, ça nous effondre. Ça nous affecte, ça nous fait perdre de l'énergie et ça nous enlève de la force pour passer à travers des événements qui peuvent être prophétiquement réalisés, non. Donc même s'il apparaît encore là, dans les temps qui viennent, même s'il apparaît des nouveaux prophètes qui pourraient être exacts dans leurs affirmations, l'individu n'a pas à considérer ces prophéties-là comme un mode de vie ou un mode d'action à suivre, quoi que ce soit du genre pour se préparer. Là. Non, parce que ces prophéties-là sont à l'échelle mondiale, sont à l'échelle de la planète. L'individu, lui, il doit vivre, en tout cas, à son échelle individuelle. Il doit en arriver à vivre par rapport à ses énergies, à ses forces, à sa conscience, à son intelligence, à ses possibilités, à son potentiel. Sinon, il va se laisser astraliser, il va perdre courage. Donc, c'est un non-sens de se préparer à l'avenir. Ah, ben, c'est un non-sens de se préparer à l'avenir, dans le sens que on doit vivre notre vie de tous les jours, notre moment. D'une façon intégrale, et ça, si c'est intelligemment fait, ça nous prépare à l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens que s'ils savent l'avenir, vont être capables de faire des achats ou de faire des ventes ou de se créer un type de mode de travail ou d'emploi, disons pendant 3-4 ans, vont se préparer à une condition de vie sociale ou morale ou culturelle pour s'extirper d'une possibilité de conflagration ou de problème économique ou quoi que ce soit. Connaître l'avenir dans un sens, c'est un des éléments qui fascine. Bon, mais si, admettons que par la voie prophétique, on puisse mettre le doigt sur des événements, OK? Ça, c'est une chose. Mais quand les événements se produisent, qu'est-ce qu'on fait? Savoir qu'un événement va se produire, c'est une chose. Bon, admettons que la voix prophétique puisse nous le donner, OK. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça se produit? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la crise d'Oka? On reste-tu là? On crise-tu notre cœur? Qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une guerre? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une famine? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mouvement politique antiracial comme il y a en Allemagne? Si les Juifs en Allemagne, ou si un Juif, je ne parlerai pas des Juifs, mais si un Juif en Allemagne avait été intelligent, il y en a eu. Ça n'a pas été la grosse masse, mais il y en a eu. Si un Juif s'était retiré de l'Allemagne en 32, en 38, puis qui aurait pas, il se serait pas astralisé dans ce sens qu'il n'aurait pas vécu la culpabilité par rapport à sa race, qu'en partant pour les États-Unis ou en partant pour l'Angleterre, il laissait son peuple mourir. Si le Juif n'avait pas été pris dans les émotions de sa race, le gars aujourd'hui, il sera encore vivant, au lieu d'avoir été brûlé à Auschwitz. Autrement dit, le problème de l'homme aujourd'hui, dans le monde, c'est que l'homme ne vit pas sa conscience par rapport à lui-même, il la vit par rapport à une conscience raciale, par rapport à une conscience nationale, et nous, au Canada, ou aux États-Unis, on le vit moins, ça, parce qu'on est beaucoup, il y a beaucoup plus d'individualisation, il y a beaucoup plus de liberté psychologique. Mais quand vous regardez les vieux peuples, l'Italie, les peuples d'Afrique du Nord, les Hindous, les Irlandais, ces individus-là qui vivent dans un état social qui est extrêmement comprimé, extrêmement socialisé, extrêmement idéologisé, qu'est-ce qui se produit quand il y a une conflagration? Ils brûlent avec tout le monde, ils s'effondrent avec tout le monde, au lieu de pouvoir retirer leur individualité puis sacrer leur camp. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme, si l'homme ou lorsque l'homme sera intelligent, il réalisera qu'il n'est pas responsable pour le karma de la race. Qu'est-ce qui fait que l'homme se sent responsable du karma de la race? Ce sont les enseignements qu'il a reçus. Ce sont les formes d'idéologie auxquelles il a été assujetti pendant sa jeunesse, pendant sa période d'éducation. Ça fait partie d'endoctrinement culturel, social. C'est ça qui forme la personnalité. C'est ça qui stabilise ou instabilise l'ego. Mais l'homme, lui, l'être psychique dans une forme matérielle qui doit être un être centrique, pas égocentrique, centrique, où ce qu'il est, il n'est pas là. C'est pour ça que les hommes souffrent tant. Donc, quand il y a des situations comme ça, ou des situations qui sont prophétisées par des grands voyants comme Nostradamus ou d'autres, les gens paniquent. Pourquoi paniquer? Ça ne va rien changer. Si l'homme n'est pas capable individuellement de passer à travers des cycles d'expériences collectives d'une façon intelligente, même s'il sait que ça va se produire, il ne saura pas quelle heure, parce que c'est jamais su, il va être pris pareil. Vous êtes en train de nous dire qu'une personne qui est consciente et centrique, c'est une personne qui vit finalement juste son temps présent, qui n'est pas une Une personne consciente et centrique, c'est une personne qui vit par rapport à son énergie et en harmonie avec l'énergie des autres, dans la mesure où l'énergie des autres peut être harmonisée à la sienne. Sinon, en quoi? Si l'homme ne fait pas ça, l'homme sera constamment obligé de subir des pressions extérieures, il sera obligé de vivre par rapport à des liens. L'homme n'aura aucune identité. Donc, l'homme, à ce moment-là, se subira le choc de la civilisation, tel que prophétisé par les voyants, et ainsi de suite. Mais il ne pourra pas s'en sortir, plus que l'autre, qui n'a jamais entendu parler de ça. C'est une illusion. Vous voulez dire que les prophéties sont faites pour une masse qui est fondamentalement inconsciente? Mais les prophéties sont faites pour éveiller dans la conscience des masses des probabilités qui font partie de l'évolution des temps et que certains voyants ont la capacité d'aller chercher dans leur expérience. Ça fait partie du contact entre l'invisible et la matière. Mais à l'intérieur de toutes ces grandes probabilités-là, les détails sont inconnus, l'heure est inconnue. S'il était donné aux voyants d'avoir l'heure exacte, les voyants arrivaient dans le monde, à la télévision, puis ils disaient, bon, ben, à telle heure, mardi matin, à 5h30, il va se produire telle chose, puis ça se produisait, puis ensuite, il ferait encore la même chose, puis ça se produisait, ça créerait une psychose. Ça créerait une psychose. Ces gens-là seraient probablement assassinés pour empêcher d'eux. Donc, la prophétie, ou les prophéties, ou la médiumnité, ou le contact avec l'invisible, ça fait partie de la réalité humaine, mais il faut que l'homme sache comment traiter avec ça. Sinon, on se fait embarquer. Bon. D'un coup, tu te trompes. Bon, mais cet élément-là m'intéresse dans ce sens que un individu qui a accès au qui a d'une certaine conscience des plans dits invisibles, pendant un certain temps dans sa progression, dans sa recherche, il a tendance à vouloir vivre un pouvoir sur l'opportunité de saisir l'avenir ou de voir dans l'avenir ce que peut produire telle action ou telle décision dans sa vie. Et beaucoup de gens, en tout cas, ça pourrait se confirmer sur des exemples, beaucoup de gens ont la certitude de pouvoir se préparer s'ils savent l'avenir. Est-ce que c'est une réalité de pouvoir penser qu'on peut se préparer en sachant l'avenir? Si on vous dit dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 an, dans 5 ans, il va se produire telle chose, est-ce que vous pouvez vraiment vous préparer ou c'est une illusion? Vous pouvez vous préparer, mais votre préparation va faire partie de votre illusion. Si l'homme communiquait avec les plans en ce qui concerne les événements importants, bon, on va donner l'exemple de la fin du cycle, des conflits qui se produisent présentement, ainsi de suite. Si l'homme communiquait avec les plans, puis demandait aux plans, mon cœur, comment est-ce que j'agis dans cette situation-là? Rien que le fait d'être en communication avec les plans, d'avoir une vibration mentale, qui permet à la conscience de se diriger de façon créative avec ces événements-là, va forcer les plans à leur dire que ce qui se passe ou ce qui se passera, ça n'a rien à faire avec eux. Autrement dit, un homme conscient ne peut pas être affecté par ce qui se passe dans le monde. Ça ne fait pas partie de son expérience. Ça fait partie de l'expérience de la race. La grande marque de l'inconscience de l'homme, c'est que l'homme est lié au karma de la race parce que lui-même, personnellement, il a un karma à vivre. Un homme qui n'a pas de karma à vivre n'est pas lié au karma de la race. Donc, même si c'est ce qui va se passer, ça ne va rien changer dans sa vie. Lui, il continue sa vie en fonction de sa conscience créatrice. Allons-y, c'est un autre niveau. Est-ce que l'individu conscient peut être prévenu de son propre avenir? Un individu conscient est prévenu de son propre avenir, mais il va être prévenu de son propre avenir dans un temps qui coïncide parfaitement avec ses besoins. Il ne va pas être prévenu de son avenir dans un temps qui ne convient pas à ses besoins. Sinon, ça affecterait sa conscience, ça affecterait son corps émotionnel, ça affecterait sa mentalité. Donc, il ne peut pas se préparer. Non, je ne peux pas se préparer. Ben, mais il y a beaucoup de gens... Les gens qui se préparent, c'est les gens qui ne sont pas préparés. Mais il y a beaucoup de gens qui se fixent des objectifs dans la vie. Tu sais, on regarde dans des milieux, disons, professionnels, dans des entreprises, les plans de carrière ou les objectifs que les gens se fixent. Ils veulent arriver à un tel rendement dans 2 ans, dans 3 ans. Ils font finalement des perspectives ou des possibilités d'eux. Et puis, ça doit fonctionner parce que... Oui, mais ça, c'est au niveau psychologique. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est une forme de prévision, dans un sens. Mais c'est pas la voyance. C'est une organisation à long terme. Bon, un homme s'organise à long terme, mais c'est intelligent. Ça fait partie de sa conscience mécanique. Mais un homme conscient ne peut pas s'organiser à long terme. Il s'organise bien tout de suite, puis il s'organise bien tout à l'heure, puis il s'organise bien après tout à l'heure. Fait que tout c'est tout de suite, tout à l'heure, puis après tout à l'heure, ensemble, mais à long terme, ça crée une grande organisation créatrice. Fait qu'au moins, ben, il vit pas de stress, puis il n'y a pas de crise cardiaque. Tandis que le gars, lui, qui s'organise là, à long terme, tout d'un coup que ça va mal le long terme, là, il y a une crise cardiaque. Fait que il y a deux sortes de conscience. Il y a de l'inconscience et de la conscience. Puis une conscience inconsciente, c'est une personne qui s'organise psychologiquement. Une conscience inconsciente, mais c'est une conscience qui s'organise psychologiquement. Ça fait partie des hauts et des bas de l'ego, ça fait partie des espoirs de l'ego, ça fait partie des tendances de l'ego de vouloir se sécuriser dans l'avenir au lieu d'être sécure nord. Bon. Si l'homme était sécure maintenant, tout à l'heure, puis après tout à l'heure, puis après l'autre tout à l'heure, mais il serait sécure tout à l'heure, plus loin dans le temps. Mais l'homme n'est pas sécure maintenant. Donc, il se crée des mécanismes de sécurité qui font partie de sa psychologie, sa culture, ses notions. de sécurité. Mais ça, ça peut sauter n'importe quel. À tout à l'heure, tu traverses la rue, tu te fais accrocher, tu te fais casser une jambe, tu perds ta femme, tu as le cancer. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent tout à l'heure. Fait que tout à l'heure, si t'es pas prête, parce que tu n'étais pas prête avant, à ce moment-là, ben, tu vis ce que les gens vivent, de l'incertitude constante. Est-ce que c'est l'incertitude qui amène les individus à avoir de la difficulté à supporter le temps? C'est l'incertitude qui amène les individus à ne pas pouvoir supporter le temps. L'homme n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est le temps. Si l'homme pouvait travailler avec le temps, l'homme n'en aura pas de problème. Mais comme l'homme n'est pas capable de travailler avec le temps, il y a des problèmes. Travailler avec le temps, c'est quoi? C'est travailler avec l'énergie de ton esprit en fonction du cycle que t'impose ton esprit à travers ton corps matériel dans la vie de tous les jours. Mais l'ego n'est pas capable de traiter avec le temps parce que l'ego est toujours... Il est toujours inquiet. Il veut toujours savoir ce qui s'en vient. Il est toujours insécure. Mais un ego qui veut savoir ce qui s'en vient, donc qui est insécure, comment est-ce... Vouloir savoir ce qui s'en vient, c'est de l'insécurité. OK, mais comment qu'on peut guérir ça? Savoir ce qui s'en vient, parce que tu le sais, ça fait partie de toi. Mais vouloir savoir ce qui s'en vient, puis toujours être à l'affût de savoir ce qui s'en vient, bien fatigant, cette affaire-là. Je suis bien d'accord. Mais l'autre point que je veux faire, c'est que l'individu qui prie avec le problème de vouloir savoir ce qui s'en vient, comment on peut guérir ça? Comment qu'on peut amener un individu, ou comment qu'un individu peut s'amener à vivre au jour le jour en sachant que ce qui s'en vient, c'est... Bon, c'est ce qui doit lui arriver. Ça finalement. Fait partie de l'évolution de sa personnalité, ça fait partie de l'évolution de sa maturité. C'est de la maturité. Oui, mais il prend conscience de quoi, cette personne-là, qui arrive dans le temps présent à se satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui? Il va prendre un individu qui devient mûr dans le sens créatif du terme. Ouais. Un individu qui commence à connaître la vie, comment ça marche, la game. C'est une game. Ouais. Bon. Un individu qui commence à savoir, à comprendre comment ça marche la vie, qui commence à savoir qu'il y a beaucoup de manipulation dans la vie, il commence à réaliser où ce qui se fait manipuler. Un homme qui réalise pas où ce qui se fait manipuler dans la vie, c'est un brave idiot. Mm-hmm. C'est un brave idiot. Une personne qui n'est pas capable de réaliser où ce qui se fait manipuler dans la vie, il est réellement un brave idiot. Et l'homme, c'est ça, l'homme c'est un brave idiot. Parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Mais la vie, c'est pas simplement de la respiration. La vie, c'est une grosse game qui se passe entre l'invisible et la matière, puis un jour, l'homme va être obligé de s'ouvrir à ça pour voir comment ça marche, cette affaire-là. Une fois que l'homme va savoir comment ça marche, à ce moment-là, il va voir la manipulation, donc il va devenir de plus en plus mûr, puis éventuellement, il va sortir de son insécurité. Vous parliez au début que ça serait intéressant de parler de finances. Quand un individu s'hypothèque à long terme avec une carte de crédit Mastercard, il travaille avec l'avenir. Sa garantie qu'il a à lui, en tant qu'individu, de pouvoir payer sa carte, est fondée sur un état personnel immédiat. Mm-hmm. C'est quoi cette réalité qui permet à l'individu de se projeter dans le futur sur quelque chose qu'il n'a pas vu dans son travail immédiatement? C'est quoi ça? C'est quoi la force que l'individu a de voir son avenir dans un aspect qui est très impliqué au niveau matériel, de voir ça dans l'instantané? Il a sa job. L'individu a sa job. Il travaille, il a un salaire tous les mois, puis c'est un bon travaillant, puis il a un diplôme. Fait qu'il y a de l'avenir, il y a des possibilités. Ce sont les possibilités qui donnent ça. Par contre, s'il n'est pas mûr, puis s'il n'est pas intelligent, éventuellement, il peut en arriver à faire une banqueroute personnelle au niveau des cartes. Moi, mais il y a beaucoup de gens, là, dans une situation économique comme on commence à vivre, là, que ce qui était sûr il y a 10 ans l'est moins aujourd'hui. Bon, mais à ce moment-là, les gens vont réaliser que les cartes. Il faut qu'ils fassent attention. Oui, mais il y a 10 ans, ça fonctionnait. Ils ont pris peut-être des mouvements d'hypothèques sur un 15 ans. Vous le disant, ça fonctionnait parce que vous le disant, d'abord, il y avait moins de cartes sur le marché, il y avait moins de pression sur le marché. Aujourd'hui, il y en a plus de pression. Les cartes, c'est extraordinaire. Les cartes de crédit, c'est extraordinaire parce que ça ouvre le marché, ça réduit le temps, ça permet à l'homme d'aller chercher des choses, une paire de bottines, plus vite qu'en Russie. Tu sais, quand tu es obligé d'attendre 3 ans pour avoir une paire de bottines, c'est dur sur le marché. Ça. Bon, je veux dire le marché, les bottines. Mais... C'est le talon d'Achille. Donc, le système des cartes de crédit, c'est la fondation même de la finance mondiale. C'est extraordinaire. Par contre, il y a un prix à payer. Un homme qui est mûr, qui a de la maturité, qui sait comment traiter avec ses finances, avec ses achats, qui paye ses cartes de crédit... qui ne dépense pas trop, qui ne va pas trop hypothéquer sa finance, c'est une sécurité. Mais un homme qui achètent, comme j'entendais après-midi à la télévision, c'est rendu qu'aux États-Unis, tu vas acheter ta grosserie avec des cartes de crédit. Tu vas acheter ta bière avec des cartes de crédit. Fait que là, c'est plus bon, là. Fait que là, c'est rendu qu'ils ont des faillites personnelles. Ils s'attendent à 1 million de faillites personnelles en 1990. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce que la carte de crédit, c'est pas faite pour être ambitionné dessus. C'est extraordinaire, mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme une belle femme. Y a-t-il plus dangereux qu'une belle femme? Ça dépend de l'offre. Ça dépend de l'offre. Mais exactement. Ça dépend de l'homme. Ça dépend de toi. Mm-hmm. C'est la même chose avec la carte de crédit. C'est une belle femme, ça dépend de toi. Comment est-ce que tu la traites, ta carte de crédit-là? Mais on pourrait dire que les pays, les dirigeants des pays ont joué aussi sérieusement avec la carte de crédit et on se retrouve avec des déficits que les gens ne savent plus comment travailler. Mais tout le monde fait la même chose. Travailler. Tout le monde fait la même chose. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est de l'astral. Okay. L'argent sur la Terre n'est pas contrôlé par les forces mentales de l'homme. L'argent est contrôlé par les forces astrales. Et l'argent, c'est la plus grande des puissances, à part du sexe, là. Donc, automatiquement, c'est très, très difficile pour les gouvernements de contrôler ça. Mais les gouvernements qui se donnent finalement le droit de prendre certaines décisions fondamentales pour un pays, qui vont finalement hypothéquer l'avenir de même de gens qui ne sont pas encore nés... Ces gens-là qui ont le feeling ou le senti que ça va aller, on va passer à travers pareil, sur quelle base, qu'est-ce qui se passe dans le mental pour être capable de travailler ou de pronostiquer l'avenir avec une forme quelconque de positif ou d'optimiste, je ne sais pas comment ils fonctionnent, là, mais... Savez-vous qu'est-ce que c'est le bottom line? Le bottom line sur la planète, c'est pas les banques, c'est la santé. La santé. Wow. Autrement dit, là... Si on prend le système économique actuel, les cartes de crédit, tout ça, là, les gars qui sont en dette, patati patata. Le gars, il va travailler pour payer ses gardes, il va travailler pour payer sa maison. C'est l'énergie de fond, l'énergie de base, elle est toujours fournie par la santé. À la sueur du front humain. Donc, l'énergie de base, elle est toujours fournie à partir de la santé. Tant que tu as de la santé, tu délivres. Tant que tu as de la santé, tu travailles. Tant que tu as de la santé, tu payes tes comptes. Un jour, tu crèves. C'est fini, tu n'as plus de problème. Mm-hmm. Non, mais tes héritiers. C'est la même chose au niveau des nations. Ah. C'est la santé. Fait que, je voulais dire que les dirigeants sont capables de spéculer sur l'avenir en tenant compte que le peuple a la santé pour supporter le peuple va décider. Toujours. Parce que le peuple va toujours avoir la force de se réjuvenir. De se remettre sur... Regardez ce que les Japonais ont fait, regardez ce que les Allemands ont fait, regardez ce que l'Europe a fait. L'homme a de l'esprit, a beaucoup d'esprit, a beaucoup d'énergie, donc... Mais, il y a un prix à payer, c'est la souffrance. Souffrance. C'est ça les cycles. Si les nations, les peuples, les hommes étaient consciemment intelligents, ils seraient consistamment créatifs. Et étant consistamment créatif, il n'y aura jamais de perte. Il ne vivra pas de cyclisme. Mm-hmm. Le cyclisme est lié au fait qu'il y a des positions planétaires qui influent plus astralement dans certains temps que dans d'autres. Et le cyclisme, c'est une forme d'aberration de l'énergie de la lumière. Le cyclisme astrologique, c'est de l'aberration, c'est de la déformation des champs de force de la conscience humaine. C'est ça le cyclisme. Mm-hmm. Dans le fond, il ne devrait pas y avoir de cycle. La raison qu'il y a des cycles, c'est parce que les hommes sont affectés dans leurs énergies par des positions astrologiques, parce qu'eux-mêmes, astralement, sont conditionnés par les vibrations des planètes. Mm-hmm. Si un homme était dans son esprit, qu'il grandissait constamment en force, les cycles, leur puissance évocatrice dans sa vie, éventuellement se neutraliserait parce que l'homme serait plus assujetti aux lois de la polarité. Donc, quand on parle de la santé de l'individu, quand on parle de la santé des nations, toutes ces santé-là, ces formes de santé-là sont liées au cyclisme humain et un jour, il va falloir que l'homme casse les cycles, brise les cycles et l'homme ne pourra pas le faire tant qu'il n'y aura pas une conscience créatrice. Autrement dit, tant qu'il ne sera pas intelligent. Ça veut dire quoi être intelligent? Ça veut dire être toujours. C'est dangereux une femme qui n'a pas de tête, qui aime au corps.